Le Salon Noir. Il a œuvré et œuvre toujours pour sa discipline. Il a surtout quelques très belles pièces à son palmarès de paléo-anthropologue et dont les noms sont dans toutes les mémoires, même celles des enfants. On l'a vu au Collège de France, mais deux collèges dans sa Bretagne natale portent son nom, à Lannion et Malestroit. Quoi qu'il en soit, c'est en homme de radio, en confrère, qu'il vient dans le Salon Noir. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, Yves Coppens, vous faites l'actualité puisque vous publiez un nouveau livre, Prélude, autour de l'homme préhistorique aux éditions Odile Jacob, que vous venez aussi d'être nommé par le pape François, membre de l'Académie pontificale des sciences créée en 1603, que parallèlement nous fêtons l'anniversaire d'une de vos découvertes majeures, une jeune fille, vieille de 40 ans, est née au cœur de l'Afar éthiopien. Nous étions alors fin novembre 1974, Yves Coppens ? Oui, absolument, fin 74, et où on travaillait depuis 72, en fait, jusqu'en 77, tout simplement, parce que les conditions locales ne nous ont pas permis de rester plus longtemps. Mais ça a été une très belle découverte, une très belle opération, et une opération qui s'est ouverte à partir des années 90, à partir où on a pu reprendre les travaux dans ce triangle, ce fameux triangle de l'Afar, qui est le nord-est tout à fait désertique de l'Éthiopie, où on a pu reprendre des quantités d'opérations, des quantités d'expéditions. Et aujourd'hui, il y a 7 ou 8 expéditions qui travaillent avec des résultats tout à fait impressionnants. Vous êtes resté combien d'années dans cet Afar éthiopien ? Dans cette affaire, 7 ans, et dans l'Éthiopie en général, 11 ans, puisque j'avais commencé déjà 6 ans avant dans le sud de l'Éthiopie, à la limite du Kenya. Et j'ai reçu, enfin j'en suis fier, c'est pour ça que je vous le dis, j'ai reçu la médaille d'or des mains de l'empereur Haïlé Sélassié. Vous voyez, ça paraît d'un autre âge, d'un âge presque préhistorique, le malheureux empereur ayant disparu précisément en 1974. Il y a encore des missions françaises travaillant dans cette affaire éthiopienne ? Il y a des Français qui travaillent dans d'autres missions et j'ai un élève éthiopien qui s'appelle Alem Seget Zeresenay. Alors comme vous l'imaginez, ce nom est épouvantable, Alem Seget Zeresenay. Dès qu'il est arrivé dans mon labo ici, il est devenu Zeraï pour tout le monde. Et cet Éthiopien a passé sa thèse ici avec moi à Paris. Et aussitôt rentré en Éthiopie, c'est-à-dire en 1998, il a eu une concession, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire il a eu l'autorité sur un territoire qui s'appelle Dikika, qui est tout près de Hadar, où on a trouvé Lucie. Et il a trouvé, lui, une petite Lucie, c'est-à-dire une petite fille, probablement une petite fille de 3 à 4 ans, de la même espèce que Lucie, et qu'on appelle la petite fille de Lucie, bien qu'évidemment elle ne le soit pas de manière directe. Donc un sujet très intéressant pour l'ontogénèse ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dès qu'on a un petit d'une série, on voit quels sont les caractères tout à fait particuliers, tout à fait spécifiques de l'espèce en question. Et on voit à partir de quel âge ils apparaissent et on voit s'ils sont génétiques ou s'ils sont épigénétiques, c'est-à-dire dus à une adaptation à l'environnement. La découverte de Lucie, c'est un coup de tonnerre dans le monde de l'anthropologie ou de la paléoanthropologie. Le plus vieux fossile d'hominidé ancien, du moins à l'époque, et de plus, il est bipède. Oui, c'était un grand coup de tonnerre que l'on n'a pas très bien perçu, nous, de l'intérieur. Je veux dire que mes collègues actuels me disent qu'en effet, dans la paléoanthropologie en général et dans l'engouement pour la paléoanthropologie, la découverte de Lucie a été très, très importante. Ça a été souvent le démarrage d'un certain nombre de vocations et d'idées d'aller travailler ailleurs et notamment en Afrique tropicale. Mais pour nous, ce qui était intéressant, c'est de trouver un sujet qui était moins incomplet que les autres et du même coup d'en dessiner la silhouette et du même coup de le rapprocher du public. Quand le public voit trois bouts d'os, il n'est pas très impressionné et ça ne fait pas très concret en effet. Mais quand il y a un certain nombre d'ossements qui suffisent à donner une allure vivante à l'individu en question, tout d'un coup, on rapproche cet individu des gens ou on rapproche les gens de cet individu. Et Lucie est devenue probablement fameuse parce qu'on l'a imaginée, et notamment les enfants l'ont imaginée. Oui, on a très bien en vue cette photographie de reconstitution, os par os, formant une sorte de silhouette avec des manques. Lucie, c'est combien de pourcents d'os sur un squelette complet ? Ben, c'est 52 ossements déterminés, beaucoup de petits os qui ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Mais par ailleurs, comme vous le savez bien, toute une partie du corps est paire, c'est-à-dire que quand on a un tibia droit, on peut faire un tibia gauche. Et du même coup, c'est plus que 52 ossements, chaque squelette comportant à peu près 206 ossements. Je dis à peu près parce que quelquefois, il y a des os supplémentaires dans le crâne ou dans la colonne vertébrale, etc. Alors pourquoi cette petite bonne femme est-elle devenue si célèbre ? Tous les enfants ont étudié Lucie, même Vanessa Nadjar, réalisatrice de l'émission. Combien de livres pour enfants et pour adultes avez-vous écrit ? Peu importe, mais en tout cas une grande quantité ? Oui, moi personnellement, j'ai écrit un certain nombre de livres, oui. Mais dont un qui s'appelle « Le genou de Lucie », tout simplement « Le genou de Lucie » parce que Quand j'ai eu Lucie entre les mains, là-bas sur le terrain et puis ensuite à Paris, j'ai découpé Lucie en morceaux, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'à un certain nombre de jeunes gens qui demandaient des sujets de thèse, j'ai donné soit des ossements, soit des articulations appartenant à ce squelette. Et l'une de mes élèves, Brigitte Senu, a travaillé sur le membre supérieur. L'autre de mes élèves, Christine Berge, a travaillé sur le bassin. L'autre de mes élèves, Christine Tardieu, a travaillé sur le genou. Et c'est elle, Christine Tardieu, qui, un beau jour, est venue en me disant « ça ne marche pas », ce qui était drôle parce que ça, c'était tout à fait ce qu'il fallait dire. Ça voulait dire que le fémur appartenait bien à un personnage debout, à un personnage bipède, alors que le genou appartenait à un personnage grimpeur. Et on avait finalement l'association de apparemment de squelettes, mais qui en fait était bien le même squelette. Et c'est la première fois que l'on prenait conscience que ces préhumains, pas tout à fait humains, presque humains, mais pas tout à fait, étaient à la fois debout. Comme ils étaient debout, ils étaient bipèdes. Ils ne marchaient pas tout à fait comme nous, mais ils marchaient quand même sur leurs pattes postérieures. Et en même temps, ils avaient continué à grimper. Donc, ils étaient bilocomoteurs, si l'on peut dire. Et ça, c'était la grande découverte de l'époque qui a été largement confirmée depuis. En tout cas, puisque vous citiez Brigitte Senu, Brigitte Senu a fait de très belles découvertes par la suite. Absolument. Brigitte Senu a continué à travailler sur le terrain, d'ailleurs. Et Brigitte Senu, qui est une élève fidèle, je tiens à le dire, et vous allez voir en particulier la raison, une des raisons, c'est qu'elle a trouvé un fossile préhumain lui-même au Kenya, qui s'appelle Aurorine, qu'elle a appelé Aurorine Tukenensis, et qu'elle m'a fait co-signer, c'est-à-dire je suis aussi copapa de celui-là. 6 millions d'années, hein. 6 millions d'années celui-là. Donc un des plus vieux aujourd'hui. Un des plus vieux, il est battu, si l'on peut dire, entre guillemets. Par Toumaï qui a autour de 7 millions d'années, peut-être un petit peu plus même. Je reviens 5 secondes sur Lucie. Pourtant, ce succès aurait dû s'estomper, puisque très tôt, on a su que cet Australopithèque n'était pas notre ancêtre direct, Yves Coppens. Oui, et c'est difficile à comprendre, ça, parce que quelquefois, on lance comme ça un sujet, le sujet est important, et puis ensuite, on passe à d'autres sujets, mais ce sujet-là demeure. Et le succès de Lucie, en effet, n'a fait que s'affirmer, que ça croître, et probablement parce qu'il faut au public des emblèmes. Alors, je suppose que Lucie, parce qu'elle est petite, parce qu'elle est femelle, parce qu'elle est exotique, parce qu'elle est ancêtre, même si elle n'est pas ancêtre direct, parce qu'elle a 20 ans, ce qui est un âge important pour les gens de cette époque, enfin, pour toutes ces raisons, est devenu un petit peu le sujet emblématique, le symbole de l'origine de l'homme et d'évolution de l'homme en Afrique tropicale. Et elle nous a beaucoup servi, je veux dire que le fait d'avoir un prénom aussi, j'avais oublié, et elle nous a beaucoup servi en ce sens que grâce à cet emblème, l'histoire de l'origine de l'homme, notre sujet de prédilection, est devenu beaucoup plus public. On peut dire que Lucie a été porteur du sujet et nous a facilité la présentation du sujet à bien des publics. Yves Coppens, peut-être aussi parce que Johnson, qui est un des trois découvreurs de Lucie, a longtemps prôné la filiation de Lucie avec l'homme moderne, alors que vous ne pensiez déjà plus ça ? Oui, c'est-à-dire que Lucie fait partie, on peut dire ça comme ça, du vivier des ancêtres. C'est parmi les siens que se trouve certainement l'ancêtre de l'homme. L'homme n'est pas arrivé du ciel. Hein. Il a lui aussi eu des ancêtres africains et tropicaux. Mais sûrement que le fait de dire que c'était l'ancêtre de l'humanité, d'ailleurs, elle l'est toujours dans la tête des gens. C'est-à-dire que on parle de Lucie comme la maman de l'humanité tout entière, ce qui n'est à la fois pas tout à fait faux, parce qu'elle est voisine de celui-là, mais pas tout à fait vrai en ce sens que dans la filiation, elle ne l'est pas. Et une nouvelle Ève, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et je pense que la paléogénétique, qui fait des progrès considérables, mettra ça en ordre un jour qui n'est pas venu, parce que pour le moment, les technologies n'arrivent pas à atteindre l'ADN de 3 millions d'années. C'est beaucoup trop pour les lectures actuelles. Mais je suis sûr qu'on fera des progrès et que cette science est tout à fait neuve et tout à fait percutante. Yves Coppens, en cette fin d'année, nous voici aussi dans un autre anniversaire, la naissance des Australopithèques eux-mêmes, il y a tout juste 90 ans, en Afrique du Sud. Oui, c'est étonnant ça. Hein. C'est un collègue que j'ai connu, qui est mort très âgé, c'était Raymond Dart, qui était d'origine australienne et qui arrivait en Afrique du Sud à enseigner l'anatomie. Il était médecin. Et un jour, une de ses étudiantes lui a apporté des petits ossements d'une grotte d'Afrique du Sud qui s'appelait Tong. Et nous étions en novembre 1924. Oui, ben c'était un petit peu avant, parce que là, c'était des crânes de cercopithèques et puis de babouins, c'est-à-dire des crânes de petits singes. Mais intéressé par ça, Dart, qui n'était pas un homme de terrain, a envoyé son collègue géologue, qui s'appelait Young, sur le terrain. Et Young est revenu avec ce petit crâne qui a été le premier crâne d'Australopithecus. Et alors, il faut lire la description de Dart, qui date de février 25, 1925, et où il est à la fois extrêmement pertinent et en même temps très, très romantique. C'est-à-dire qu'il dit des choses qui sont de son époque. Il dit que cet Australopithèque comprend tout, est capable d'entendre tous les sons, de voir toutes les couleurs, de fabriquer tous les outils. C'est un petit peu excessif. Mais à côté de ça, il décrit ce personnage comme étant l'ancêtre probable de l'homme. Et c'est courageux parce qu'il a juste ce qu'il ne faut pas, quoi. On estimait à ce moment-là que l'ancêtre de l'homme avait des dents très simiennes, ressemblant à des dents de singe, et une grosse tête, parce que nous avons aujourd'hui une grosse tête. Et il se trouve que lui trouve un crâne avec une petite tête et des dents très humaines. Donc là, une tête à l'envers, en quelque sorte. Et malgré ça, il a lancé cette idée que ce pouvait être un ancêtre, l'ancêtre, et il a eu tout à fait raison. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Yves Coppens, les Australopithèques ont une longévité très importante en s'adaptant à des milieux changeants, des climats variants. Et pourtant, curieusement, ils ne changent pas d'anatomie ou très peu. Oui, c'est pas tellement curieusement. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont apparus, c'est-à-dire pour moi une dizaine de millions d'années, il vaut mieux anticiper, en Afrique tropicale, hein, ils se sont mis sur leurs pattes de derrière, ce qui est absolument extraordinaire. Ils se sont redressés alors qu'ils étaient quadrupèdes. Et ils se sont mis sur leurs pattes de derrière, tout en marchant et en grimpant, comme on a dit, pour manger des fruits en l'air et pour manger des racines à terre. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à un milieu qui se découvrait. Et ce milieu n'a cessé de se découvrir. C'est-à-dire qu'il s'est découvert un petit peu il y a 10 millions d'années, un petit peu plus il y a 4 millions d'années, et encore beaucoup plus il y a 3 millions d'années. Donc, durant toute cette période, en effet, tout à fait ce que vous dites, les préhumains en question sont restés bipèdes approximatifs avec des bipédies variées, d'ailleurs, ce qui est superbe. Hein. La nature est très créatrice, est très créative et très inventive. Mais à côté de ça, ils ont continué à grimper. Mais ils ont eu un cerveau qui n'a grandi que très peu, qui a dû en fait changer sûrement sa structure. Parce que quand on se met debout par rapport à la quadrupédie, on a forcément un cerveau qui doit gérer ça, c'est-à-dire nouvelle situation, nouveau port, nouveau regard, nouveau comportement et nouvel environnement. Mais le cerveau en question, quant à sa taille, quant à son volume, est resté vraiment très petit jusqu'à ce qu'arrive l'homme nettement plus tard, puisque ce n'est qu'autour de 3 millions d'années, et sans doute un petit peu moins, que l'homme est arrivé. Aujourd'hui, les plus vieux hominidés ont entre 7 et 5 millions d'années. Il s'agit bien sûr de Toumaï le Tchadien, Aurorine le Kenyan, dont nous parlions tout à l'heure, puis Ardipithecus l'Éthiopien. Tous vivent grosso modo dans un même milieu ? Tous vivent dans un milieu qui est à la fois un peu couvert, c'est-à-dire c'est toujours une forêt, mais une forêt très claire et en partie découvert. Autrement dit, il y a un petit peu de pâturage, si on peut dire ça comme ça, et puis il y a un petit peu de forêt. Et c'est probablement la raison étonnante d'ailleurs, enfin à mon avis étonnante, pour laquelle ils se sont mis sur leurs pattes de derrière. Alors si je dis moi 10 millions d'années, c'est parce que, encore une fois, j'aime bien anticiper. Mais c'est vrai que le plus vieux que l'on connaisse actuellement n'a que 7 millions. C'est Sahelanthrope dit Toumaï. La bipédie est une adaptation révolutionnaire, pour partie liée à l'environnement ? À mon avis, tout à fait, oui. À mon avis, tout à fait. Je ne vois pas d'autres raisons. Et il se trouve que les ancêtres communs que nous avons avec les chimpanzés ont eu des descendants qui, par hasard, se sont trouvés dans des environnements soit plus couverts, plus forestiers, soit moins couverts, avec des forêts plus claires. Et ça a fait la différence de la descendance. D'où notre proximité avec les chimpanzés, tout en étant bien différents dans nos évolutions et nos adaptations. Autour de cet environnement, vous proposez en 1982 un modèle explicatif. Celui-ci prendra le nom de East Side Story, c'est bien ça Yves Coppens ? Oui, alors c'est ça parce que j'aime bien plaisanter d'abord. Et puis c'est ça parce qu'à ce moment-là, tous les restes dont il était question se trouvaient dans l'Est africain. Et j'expliquais simplement la différence dont on vient de parler d'ailleurs, la différence entre milieu forestier et milieu moins forestier, par une différence entre développement des pongynés, c'est-à-dire des pré-chimpanzés et des chimpanzés, et développement des homininés, c'est-à-dire des préhumains et des humains. C'était tout simple. Et ça reste simple, sauf que ce n'est plus à l'Est que ça se passe, donc c'est la même story. Mais elle n'est plus East-Side, quoi. André Leroy-Gourhan le disait, notre histoire a commencé par nos pieds. On pourrait rajouter aussi d'un choc climatique violent. Ah oui, oui. Moi, je suis toujours très impressionné par quelque chose de très banal, en fait. Hein. C'est la, la pression de l'environnement sur l'adaptation, la pression de l'environnement sur la transformation morphologique. Les êtres vivants ne se transforment pas pour le plaisir de se transformer, ils se transforment pour s'adapter à des milieux qui ont changé, autrement dit pour survivre. La nature se fiche complètement de l'individu. Hein. La nature fait tout ce qu'elle peut pour maintenir l'espèce, ça c'est tout à fait étonnant. La personne, l'individu, ne fera son apparition qu'avec l'humain, qu'avec l'homme, et avec un certain niveau de conscience. Autrement dit, cet environnement, je le crois très très important, je le crois fondamental. Et ce que Darwin avait appelé la sélection naturelle, c'est celle-là, quoi. C'est-à-dire que sur un certain nombre de mutations aléatoires, la nature va sélectionner l'adaptation adéquate. Adéquate à quoi ? Adéquate à l'environnement nouveau qui vient d'apparaître et qui est différent de l'environnement précédent. Or, je peux dire que j'ai vu l'homme naître, ça fait drôle de dire ça comme ça, mais comme j'ai vécu 10 ans dans le sud éthiopien où se trouvait un ensemble de séries sédimentaires, de couches géologiques, contenant des dizaines de milliers de fossiles, j'ai vu petit à petit le préhumain se faire homme au moment où il y avait nécessité de transformation pour survivre, tout simplement pour survivre. Yves Coppens, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes paléo-anthropologue, professeur au Collège de France, que vous venez aussi de publier un livre prélude autour de l'homme préhistorique. Quoi qu'il en soit, Yves Coppens, deux temps forts, il y a 8 et 4 millions d'années, sont à noter dans le paysage, mais aussi l'évolution des homininés. Oui, parce que c'est pour moi le même phénomène climatique. C'est ce phénomène né il y a une dizaine de millions d'années, encore une fois, pour être généreux, qui est un assèchement d'une partie de cette Afrique tropicale. Et cet assèchement, il s'est fait par phase, c'est-à-dire que ça n'a pas été un assèchement continu, ça a été un assèchement puis une certaine stabilité, puis un assèchement à nouveau, puis une certaine stabilité, comme les glaciations. Hein. Il y a eu des glaciations et puis des périodes interglaciaires, etc. C'est jamais tout à fait continu. Mais ce qui est apparu il y a 10 millions d'années, c'est accusé il y a 4 millions d'années, et c'est accusé encore plus il y a 3 millions d'années. Et donc les préhumains, comme les autres animaux qui leur étaient contemporains, ont dû faire avec. Et faire avec ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a eu des échecs. Hein. C'est pathétique hein, quand on voit certaines bêtes tenter de s'adapter aux situations nouvelles et puis rater, quoi, disparaître, s'éteindre. Pour un paléontologue qui perçoit ça dans des objets apparemment inertes, c'est pathétique. L'âge de glace, bien sûr. Vers 3 millions d'années, l'homme, le genre homo, émerge. L'homme est rentré sans bruit, écrivait Teilhard de Chardin. Oui, c'est joli. Hein. C'est très joli, c'est pour ça que je l'ai mis. Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a à la fois discontinuité dans l'incontinuité. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose que je raconte, mais il est étonnant de voir l'homme apparaître au même moment que l'éléphant va se transformer, que le cochon va se transformer, que le cheval va se transformer, pour s'adapter à un milieu qui est devenu beaucoup plus sec. Alors, dans un milieu plus sec, il y a moins de végétation, c'est banal. Et quand il y a moins de végétation, on est beaucoup plus exposé à la prédation, c'est banal. Et pour éviter le prédateur, qu'est-ce qu'on fait ? Ou bien on court plus vite, c'est le cas du cheval qui va devenir le vrai cheval alors qu'il était pré-cheval, qu'on appelait Hipparion. Et il va courir sur un doigt au lieu de 3. Et puis, il va apparaître l'éléphant qui va avoir une dent. Lui, il ne craint pas grand-chose, étant donné sa dimension. Mais il va développer sa dent 4 fois, parce qu'il mange des herbes et ça use plus les dents que lorsqu'il mangeait des feuilles. Et puis, il va se développer l'homme qui, lui, va choisir, entre guillemets, le développement de ses dents et de sa tête, c'est-à-dire qu'il va avoir des dents à manger de tout, il va devenir omnivore, il n'y a plus assez de végétaux, il mange aussi de la viande, et il va devenir en même temps un homme à grosse tête, et sa grosse tête va être non seulement un vrai volume nouveau, mais en plus un vrai volume occupé par un cerveau plus compliqué, mieux irrigué, fonctionnant d'une autre façon, avec le niveau de réflexion qui va avec. Mais c'est amusant de dire que, quand même, si l'homme a eu une grosse tête à ce moment-là, c'est simplement pour découvrir des stratégies pour résister à la dent du carnivore. C'est tout. Et puis après, il va en faire un usage pirate. Et puis, en tout cas, les éléphants, eux aussi, vont partir à la conquête du monde. Et ils atteindront même l'Amérique avant l'homme. C'est assez étonnant. Oui, c'est très amusant, ça. C'est-à-dire ils nous précèdent par moments. Oui, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a certainement des éléments qui vont pousser l'homme ailleurs, mais il y a aussi des éléments environnementaux qui vont faire qu'il n'y a pas que l'homme qui va bouger, et l'éléphant aussi va suivre la même voie, c'est-à-dire qu'il va se développer à travers l'Afrique tout entière, et puis il va se passer le Proche-Orient, et puis se développer à travers toute l'Eurasie, et passer le Bering vers l'Amérique, quand le Bering sera plus sec qu'il n'est aujourd'hui. En 1975, vous proposez un nouveau modèle, une nouvelle théorie, l'Homo Event, qui concerne l'apparition de l'homme. Oui, alors ça, j'y tiens, et j'y tiens d'autant plus qu'on me l'a piqué, entre guillemets. On vous l'a piqué ? C'est le mot. Oui, il y avait des collègues à l'Académie des sciences qui, pour leur propre théorie, disaient des choses plus jolies. Ils disaient « emprunter ». On m'a emprunté ma théorie. Mais c'est pire que ça. Enfin, moi, j'ai lancé ça tout simplement parce que c'est pas de ma faute, mais j'étais le seul, à ce moment-là, en 75, à me trouver en présence d'un gisement qui avait merveilleusement illustré, cette période fatidique de 2 à 3 millions d'années, ou de 3 à 2 millions d'années, cette période où apparaît l'homme. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment vu l'homme naître et j'ai vu la raison pour laquelle il naissait. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette idée de l'homo event, l'événement de l'homo en français, et avec une grosse astuce, homo H-O-M-O et homo O-M-O, parce que c'était au bord d'un fleuve qui s'appelait et qui s'appelle toujours homo O-M-O. En tout cas, cette idée a été largement reprise côté américain ? Cette idée a été reprise mondialement, elle est aujourd'hui banale et c'est amusant parce que les gens que je ne citerai pas, ce serait désagréable, mais à qui j'en parlais me disaient « ton idée est très déterministe ». Ce sont aujourd'hui, non pas les premiers parce qu'ils ont mis un certain temps, mais ce sont parmi ceux qui publient sur cette même question. Mais ça, c'est intéressant, ça veut dire que l'idée était intéressante, était bonne, et la meilleure preuve, c'est qu'elle est aujourd'hui répandue. Reste, Yves Coppens, le problème de filiation, de phylogénie. De qui l'homme est-il le descendant ? Sûrement pas de Lucie, nous en avons déjà parlé. Peut-être de l'exceptionnelle découverte de Littlefoot qui fait débat, mais aussi d'Australopithecus sébiba, le tout étant en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait des découvertes considérables ces temps derniers, mais l'Afrique du Sud a toujours, un peu moins maintenant, mais le handicap de ne pas bien pouvoir dater ces fossiles. Et il se trouve que ce que l'on appelle Littlefoot, c'est une forme de préhumain d'environ 3 millions d'années, un petit peu comme Lucie, et Sediba, c'est une forme assez récente, autour de 2 millions d'années seulement. Et je pense qu'il vaut mieux rechercher, enfin c'est pas une manie, hein, mais rechercher l'origine de l'homme plutôt dans les préhumains est-africains. Yves Coppens, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre livre, Prélude autour de l'homme préhistorique, paru chez Odile Jacob. La semaine prochaine, Laurent Olivier nous parlera de l'archéologie des périodes actuelles. Partenaire du Salon Noir, la revue Archéologia vient de faire paraître son dernier numéro. Au sommaire, la splendeur des Rannes, les exceptionnels décors peints découverts en Arles, la présence juive dans la péninsule du Sinaï. À lire donc dans la revue Archéologia. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierrick Monsigny, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.